J'aime cette ambiance, pas les silences ni l'absence. J'aime l'enfance, pour ses sourires, son insouciance. Mais j'aime cette ambiance et sème ma violence par ces vers que je balance avec prudence et bon sens. J'aime la confiance, les confidences, les relations humaines. J'aime ta présence, tes négligences, ta façon de pas me dire je t'aime. J'aime pas les papaparazzi, les papaparotti, les parano, les pamphlets de papier dit dans le passé. C'est ma passion, ma vocation, les mômes se moquent d'amour, petit garçon que je ne comprends. Maintenant comme un boulet que je ne cesse de traîner, comme un dossier, une plaie mal désinfectée. C'est une évidence mais une chance d'avoir comme force l'alphabet. C'est une énième danse, une révérence qu'on n'est pas sur le point de tirer. C'est ce qu'on aime, ce qu'on sait faire et ce qu'on ne veut plus taire. On aime ça, se balancer sur un beat cadencé, ressasser cette putain de rancœur qui nous fait avancer en rang serré, ce à toute heure. Car notre but c'est de suivre un chemin qu'on aurait nous-mêmes tracé. Clandestin, c'est cette conception unique, la réunion de plusieurs destins soudés par cette musique symbolique de notre passion pour croire à l'impossible. Quand ce qui nous tient à cœur devient le cœur de notre cible. T'aimes, c'est t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. Et combien de cons à patauger dans cette foutue France d'en bas. J'aime ou j'aime pas le grand cirque politique où les pantins du patronat ne jurent que par le cathodique. J'aime ou j'aime pas comment tourne ce monde quand le pouvoir et la monnaie te guident à chaque seconde. J'aime ou j'aime pas sur cette terre si féconde, comme une crevard et de paumée pour un seul James Bond. Ce monde qu'on aimerait un jour toujours voir plus juste, malgré ces infos qu'il expose à tous comme une insulte. J'aime ou j'aime pas, t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. Travailler dur pour obtenir des résultats. Savoir être exigeant envers l'équipe et envers soi. Le thème c'est t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. J'aime ou j'aime pas, t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. Travailler dur mais peu importe, pour faire en sorte que l'on s'en sorte. La réussite frappe à la portée, que jamais rien ne soit hors de notre portée. C'est dans le mille, avec mes idées pêle-mêle, que je vise mon but, même si on me dit que le terrain que je pétine me cache tant de mille. Je m'élance en tant qu'MC qui brise le silence, mais mon se mélange m'arrache s'exprimer tout fait par cette pestilence. On aime ça, ce genre de parcours où chacun de nous retranscrit son vécu en y mettant toute sa sueur comme recours. Sans dire qu'on est des enfants de cœur, je te fends le cœur. Dis-toi que j'aime ça rapper avec ma rancœur. J'aime les choses brutes, j'aime pas jouer les brutes. Et certains aimeraient me voir jamais atteindre mon but. Si t'aimes pas, alors protège tes tympans, car le clan d'instinct débarque en force sur le tempo. On se tient pour responsable même si on doit payer plein pot de plein pas. On arrive à soigner tous ceux qui prennent part. J'rappe pour ceux qui ne comprennent pas. Ils prennent pas tant de voir que la passion fait de nous des mecs qui ne traînent pas. J'aime ou j'aime pas, t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. Travailler dur mais peu importe, faut faire en sorte que l'on s'en sorte. La réussite frappe à la portée, que jamais rien ne soit hors de notre portée. J'aime ou j'aime pas, t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. Travailler dur pour obtenir des résultats. Savoir être exigeant envers l'équipe et envers soi. Le thème c'est t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. J'aime ou j'aime pas, t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. J'aime ou j'aime pas, t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. J'aime ou j'aime pas, t'aimes ou t'aimes pas, on aime ça. J'aime ou j'aime pas.